Planète Rap. Gros dédicace à mon gars DJ R, le Huss dans la maison. DJ R. Yes, DJ R. C'est bon. Y'a pas longtemps, je me levais tôt sur le raté, 11h40 pétante avec Bandito, midi sacoche remplie. J'annonce la météo, VX en partie X, j'suis dans la vidéo. Izaguruma, Kataguruma, c'est que du judo. Le département d'un gueudro dans mon dos. Les big rappeurs d'Elysée, ça le commando, le machin sous le manteau. Ça débloque ta conso. Tiens, écoute mon son, fais-nous pas voir tes seins comportement. Tout au fond du Jackson, ça touche à 17 balles, j'ai d'autres combinaisons. C'est la Sinaloa, ça rentre dans ta maison. Le vieil est chaud, il a pas 14 ans. Ferme ta gueule ici, c'est important, la rue c'est la légion. C'est pas des séances de studio, trois heures de session. C'est les arrestations, les noms sur compassion. Une fois dehors, on veut s'embourgeoiser. Base, on partirait, ferme ta chatte et achète. C'est l'OBJ et deux, trois putes qui planifient ma chute. Suce des pites et fais des hits, on va voir les vampachis. Cheveux courts, cheveux longs, papachi. J'ai le fait qu'à Chambly, la rue vers Shanghai. Poisson les égailles, Gourcelles, j'ai régale. Algérie, Maroc, Mali, Sénégal. Villeneuve, la Garenne, hôtel illégal. L'argent de ta chatte, c'est devenu de l'argent sale. Je fais du bise, je fais pas les followers, je vends pas les coups du buzz. La serveuse est nerveuse, la folie est vénéneuse et vénézuélienne. La région parisienne, c'est Hussi nous Hessen, ça vient bien des Hauts-de-Seine. Je vais à Rogotelguer, je vais lâcher Guécheguer. Elle est pas cachée, guerre, pas qu'à hôpital, les cimetières. Les Yankees d'ici, mère, même sur la civière. Non, malsain. Tout ça veille, producteur, c'est malsain. Manager, c'est malsain. Miji, malsain. Ça brille, bout en train. Ça brille, bout en train. Bonne enfoirée, soirée, marès, ramès. Bonne enfoirée, bonne enfoirée. Non, vraiment, ouais. Gros délicat à mon gars, Zoï, malsain, on est ensemble. Merci, mon rêve. C'est léger. Je suis le Huss dans la maison. Gros délicat dans les bacs. Faudé, gros délicat à Faudé, solo. Macan, délicat à tous mes gars. Biggie, tout le monde est là de toute façon, c'est léger. Le Huss sous les Torres, merci, mon rêve. Tu régales, c'est bon. Zepec dans la maison, Bandito, c'est léger. L'album dans les bacs. Baseline par le temps. Matt les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.